Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les présidents des partis politiques UPRONA et AND Inhadohoka suggèrent au président de la République de passer à l'acte en sanctionnant les mandataires publics coupables de détournement de biens publics au lieu de s'éterniser dans les dénonciations. Vous entendrez tour à tour Olivier Nkurunziza et Gaspard Kobako. La journaliste Sandra Muhoza de La Nova Burundi écope d'un emprisonnement d'un an et neuf mois pour atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. La sentence du tribunal de grande instance de Mukasa est tombée ce lundi 16 décembre 2024. Et près de 800 ménages victimes d'intempéries dans la zone Mumba en commune Mugamba de la province Bururi ont besoin d'une assistance en vivres et en semences. Notre correspondant nous le dira en détail. Dans la chronique santé ce mardi, nous parlons du cancer du col de l'utérus avec Dr Harimeshi Jamari. Il est spécialiste en anatomie et cytologie pathologique. Voilà pour la semaine. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le parti UPRONA trouve non productives les accusations souvent faites par le chef de l'État à l'endroit de certains mandataires qui détournent les biens publics. C'est après que le numéro 1 du pays ait déclaré vendredi passé, lors de la célébration des 60 ans de la Banque de la République du Burundi, que les banques commerciales autorisent des retraits de plus d'un milliard de francs burundais sans savoir la destination, indiquant que des enquêtes sont en cours. On écoute le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza. Ce n'est pas la première fois que le président de la République annonce de telles mesures. Ce que nous demandons au président de la République, ce sont des mesures concrètes pour punir ces gens qui détournent les fonds de la population burundaise dans les caisses publiques. Chaque fois, le président de la République l'a dit, alors sans action concrète, ces gens ne sont inquiétés de rien. Ils sont là, ils savent que le président chaque fois le dit, mais qu'il n'y a pas de conséquences. Alors au niveau du parti, prenons ce que nous demandons, ce n'est pas seulement d'annoncer, mais plutôt de nous montrer les gens qui sont punis, des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été chassés, des gens qui ont été exigés de remettre tous les fonds qu'ils ont pillés, au lieu seulement de dire qu'on va les punir, qu'on va faire ceci. C'est facile de le dire, mais ce que nous voulons, ce sont des paroles accompagnées par des actions. Le président de la République va bientôt passer plus de 4 ans, il le dit. Personne n'a changé, personne n'a été puni, quelques personnes peut-être. Alors au niveau du parti, prenons ce que nous demandons, c'est de changer les stratégies, de montrer les Burundais, voilà, ceux qui ont pillé, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. C'est ça ce que nous voulons. Au lieu de nous dire qu'ils vont punir ces gens, jusqu'à maintenant, nous sommes fatigués de l'entendre sans que rien ne change. Quand il le dit, peut-être que ça va donner effectivement l'espoir, mais l'espoir, c'est par des actions concrètes. Ce point de vue de l'UPRONA est partagé par le président du parti Alliance Nationale pour la Démocratie, Inhadohoka. Gaspard Kobako appelle le chef de l'État à plutôt user de ses pouvoirs pour traduire en justice les auteurs de ces détournements. On l'écoute. Au niveau du parti Alliance Nationale pour la Démocratie, AND Inhadohoka, face à ces plaintes du chef de l'État, comme quoi il y a des gens qui détournent les deniers publics, les biens de l'État, qui les dilapident et qui s'en accaparent, ils ne devraient pas se condamner de déplorer, de le dire, mais ils devraient prendre des mesures, c'est-à-dire prendre le taureau par les cornes, les identifier d'abord, ensuite les contraindre à remettre ce qu'ils ont détourné, et la troisième mesure, ce serait de les mettre hors d'état de nuire. L'impunité ne peut pas permettre à un pays à ce qu'il se développe. Et ça veut dire que la vision aussi qui ne cesse jamais de nous annoncer, ça risque d'être une illusion, ça risque d'être à l'heure. Donc, comme nous l'avons toujours dit et nous voudrions le répéter, les gens qui sont autour de lui, qui se permettent de s'accaparer de la chose publique, de détourner les deniers publics, comme nous avons entendu que dernièrement au niveau de l'Office burundais de recettes, il y a eu un détournement de 110 milliards de nos francs en 4 mois seulement. C'est vraiment un véritable scandale. On ne devrait d'abord les arrêter pour qu'ils retournent les biens qu'ils ont pillés et qu'ils puissent être mis sous les verrous. Il n'y a pas 36 façons de procéder à notre avis. Et je pense que le chef de l'État a la force de coercition. Il y a la police, donc il ne devrait pas se contenter de déplorer. Lorsque les gens détournent les biens publics, les pillent et qu'ils restent impunis, soit quelque part il y a une force qui dépasse celle du chef de l'État. C'est ce que nous pensons au niveau du Parti Alliance Nationale pour la Démocratie. C'était Gaspard Kobako, président du parti AND Inhadohok. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le tribunal de grande instance de Mukasa a condamné ce lundi 16 décembre 2024 Sandra Muhoza, journaliste à La Nova Burundi, à un emprisonnement d'un an et neuf mois. Elle était accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Dans un communiqué de ce lundi, Reporters sans frontières dénonce cette condamnation et appelle plutôt la justice burundaise à faire marche arrière. Sandra Muhoza est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Mireille Kanyang. Arrêtée le 13 avril de cette année, alors qu'elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi, Sandra Muhoza, femme journaliste du journal en ligne La Nova Burundi, a par la suite été coffrée à la prison centrale de Mimba le 18 avril de cette année. Le 12 novembre, devant le tribunal de grande instance de Mukaza en mairie de Bujumbura, Sandra Muhoza était accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Le ministère public a fait référence à un message diffusé dans un groupe WhatsApp sur lequel Sandra a fait un commentaire. Elle ainsi que sa défense ont indiqué qu'un tel commentaire n'avait rien à voir avec ces infractions dont elle était accusée et de plaider pour la libération. Le ministère public a alors requis une peine de 12 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais et l'affaire a été mise en délibéré. Dans son verdict de ce lundi 16 décembre, le tribunal de grande instance de Mukaza en mairie de Bujumbura a condamné la journaliste Sandra Muhoza à un emprisonnement d'une année et neuf mois. En réaction, dans un communiqué, Reporters sans frontières, RSF, dénonce une décision politique qu'il qualifie d'injuste et appelle la justice burundaise à faire marche arrière. Sadibou Marong, responsable du bureau Afrique subsaharienne, rappelle que le Burundi occupe la 108e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse 2024. Mireille Kanyang. Et dans la suite de ce journal, un peu plus de 13 000 réfugiés burundais en Tanzanie sur plus de 180 000 ont été rapatriés volontairement entre 2017 et 2024. Déclaration ce mardi de Théophile Ndarufatiye, secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, lors d'une réunion tripartite regroupant le Burundi, la Tanzanie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, visant à évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de la 28e réunion du groupe technique de travail, y compris le rapatriement volontaire des réfugiés burundais en Tanzanie. Le Burundi souhaite que d'autres réfugiés rentrent au pays afin de contribuer au développement du pays. Suivez-le. Faut-il que nos frères et sœurs burundais restent dans ce pays d'asile alors que la paix et la sécurité sont une réalité sur tout le territoire national? Telle est la question que quiconque pourrait se poser. Aujourd'hui, quelques centaines de milliers de réfugiés burundais demeurent encore sur le territoire tanzanien et restent hébergés dans les camps de réfugiés d'Onduta et Nyarugusu dans la région de Kigoma. Le gouvernement du Burundi souhaite voir ses fils et filles rentrer pour apporter leur pierre à l'édifice dans les travaux de développement du pays aux côtés d'autres citoyens et amis du Burundi à travers la mise en œuvre de la vision du pays Burundi émergent en 2040, Burundi développé en 2060. Ce souhait ne peut aucunement se concrétiser dans un laps de temps d'où il est nécessaire d'organiser un rapatriement progressif avec en conséquence une fermeture progressive des camps de réfugiés. Face à cette situation, la mise en œuvre d'une meilleure stratégie de leur réinstallation et réinsertion s'impose. En dépit des difficultés rencontrées dans le processus de rapatriement, depuis 2017 jusqu'au 15 décembre 2024, plus de 250 000 rapatriés en provenance de tous les pays d'asile ont été accueillis et installés dans les communautés. Parmi eux, plus de 180 000 rapatriés, dont 13 592 en 2024 seulement ont été rapatriés en provenance de la République unie de Tanzanie. Pour inciter les réfugiés burundais encore en asile de regagner leur chère patrie, des initiatives multiformes doivent être entreprises dans les communautés pour renforcer les solutions durables et prévenir le mouvement pendulaire qui s'observe et encourager une immigration régulière et autorisée. La commission Vérité et Réconciliation CVR effectue depuis ce lundi dans 5 provinces, dont Gitega, un recensement des victimes des barbaries qu'a connu le Burundi pour la période de 1885 à 2008. Le président de la CVR indique que ce recensement concerne toutes les provinces du pays et qu'il est déjà terminé dans certaines d'entre elles. Le rapport final de ce recensement sera transmis aux institutions étatiques habilitées pour un suivi éventuel. Toutefois, dans les bureaux de recensement de Gitega, le taux de participation de la population concernée est faible. Gérard Nibigira. Ce recensement qui est en train d'être fait par la commission Vérité Réconciliation CVR se base sur quatre principaux points, à savoir, primo, la connaissance des personnes mortes et des portées disparues pendant les atrocités qui ont endeuillé le Burundi de 1885 à 2008. Secundo, c'est connaître les personnes qui ont sauvé les autres en les cachant lors de ces atrocités. Et tertio, c'est connaître ceux qui ont demandé pardon et ceux qui ont accordé le pardon. Au moment où quarto, c'est connaître les biens volés, tels les maisons, le bétail, les véhicules, les terres et autres, comme l'explique le président de la CVR, Pierre Claver Ndayichari. Il ajoute que le rapport final de ce recensement sera transmis aux institutions étatiques habilitées pour un éventuel suivi. Pierre Claver Ndayichari précise que ce recensement qui a débuté ce lundi pour prendre fin ce jeudi concerne cinq provinces, à savoir Gitega, Mwaro, Muramvya, Ngozi et Kayanza, au moment où il y a à peu près trois semaines. Un tel recensement a été réalisé dans les provinces de Makamba, Rutana, Ruyigi, Karusi, Muyinga et Kirundo. Et l'année dernière, il s'est fait dans les provinces de Tchankouzo, Bururi et Rumonge, indique Pierre Claver Ndayichari, qui ajoute que même dans le reste des provinces, ce recensement sera fait. Cependant, dans certains bureaux de recensement de la province de Gitega que nous avons visité, le taux de participation de la population était faible et certaines personnes nous ont révélé qu'elles n'avaient aucune formation là-dessus. Quant aux agents recenseurs, ils invitent les personnes concernées par ce recensement de la CVR de répondre massivement au rendez-vous vu le long questionnaire qui les attend afin que tout soit recensé dans les délais prévus. Depuis Gitega, Jani Bigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard. Et près de 800 ménages de la zone Mwumba, commune Mugamba de la province Bururi, ont besoin d'une assistance en vivres et en semences. Deo Gahigiro, conseiller économique chargé du développement et des statistiques dans cette commune, l'a dit après l'identification des dégâts occasionnés par une pluie diluvienne qui s'est abattue vendredi dernier sur deux collines de cette zone. Cette autorité administrative demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide, car certains d'entre eux espéraient vendre une partie de leur récolte pour avoir les semences de la saison culturelle B. Les détails avec notre correspondant Zeno Zambimana. Plus de 350 hectares de champs de maïs, de pommes de terre, de patates douces, de colocas, de manioc, de bananiers et bien d'autres cultures endommagées ont été finalement identifiés par la commune de Mugamba comme dégâts occasionnés par la pluie diluvienne mêlée de grêle et de vent violent qui s'est abattue vendredi dernier sur deux collines de la zone Mumba, selon les sources administratives à Mugamba. Ainsi, 789 ménages des sous-collines Mubagabaga, Murehe et Bibande sur la colline Mumba, ainsi que Chunda sur la colline Gozi, touchés par ces intempéries, ont réellement besoin d'une assistance en vivres et en semences, selon le conseiller économique chargé de développement et des statistiques dans cette commune. Deo Gahigiro explique que la majorité de ces agriculteurs victimes de ces intempéries espérer vendre une partie de les récoltes de la saison culturelle A pour acheter les semences de la prochaine saison culturelle B, raison pour laquelle ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Concernant la salle de classe du lycée communal Mwumba, dont les toitures ont été détruites le même jour suite à ces intempéries, Deo Gahigiro dit que les premiers responsables de cette école comptent convoquer très prochainement une réunion des parents pour étudier ce cas et cette salle de classe sera sans doute réhabilitée. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno Nzambimana. Sport à présent, la bonne compréhension dans leur jeu et la mise en application des instructions de l'entraîneur. Voilà certains facteurs ayant concouru à la victoire des basketteurs de l'équipe Remesha dans les compétitions de la zone 5 qui se sont déroulées au Kenya du 10 au 15 décembre dernier. C'est ce qu'a déclaré ce mardi à l'aéroport international Melchior Ndadaye, l'entraîneur adjoint de cette équipe au retour dans le pays. Steve Fernand Nizergwe fait savoir que les joueurs de Remesha ont pu apprendre certaines techniques utilisées dans les compétitions internationales. Suivez-le. La compétition que nous venons de terminer, que nous avons remporté le trophée, c'est une compétition qui nous a vraiment été utile pour l'équipe. Donc je dirais que c'est une compétition qui nous a permis de nous mesurer, de voir quel est le niveau de notre équipe par rapport aux autres équipes qui ont participé dans la zone 5. Et quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour être vainqueur? D'abord, c'est la bonne communication entre les joueurs, le maintien de la discipline, le suivi des tactiques qui ont été mises par les coachs. Les joueurs ont pu suivre nos tactiques et ont pu vraiment se battre pour remporter la compétition. Comparativement aux autres pays qui ont pu représenter le pays, comment appréciez-vous le niveau des jeux des basketteurs burundais? Premièrement, cette compétition était une compétition qui permettait aux joueurs nationaux, à limiter les joueurs internationaux, il y avait deux seulement. C'est-à-dire que nous sommes mesurés par rapport à nos joueurs nationaux. Par rapport aux autres équipes, nos joueurs nationaux ont un niveau plus élevé que les autres équipes qui ont participé. Et quel est le message que pourriez-vous lancer aux amateurs de la formation Remesha? Je lancerai cette information à travers les amateurs de l'équipe Remesha. Je leur dirai que leur équipe est une équipe qui est vraiment à un très haut niveau, qu'il faut continuer à les encourager par rapport aux moyens financiers, par rapport aux moyens techniques, afin que l'équipe puisse surmonter et aller vers l'avant, puisqu'elle était déjà. Radio Isanganiro, chronique santé. Le cancer du col de l'utérus est causé par une infection des papillomavirus qui se transmettent lors des rapports sexuels non protégés. Selon le spécialiste en anatomie et cytologie pathologique, Dr Harimé Chijamari, le cancer du col évolue souvent silencieusement et des signes comme des saignements vaginaux après un rapport sexuel et des pertes vaginales anormales à l'odeur nauséabonde apparaissent à un stade avancé avant ou après 10 ans. Dr Harimeshi indique que les plus touchés par cette maladie sont les femmes ayant un problème immunitaire ou de malnutrition. Ornella Mucho. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne liée à l'infection par le papillomavirus humain HPV transmis par voie sexuelle. Selon le pathologiste Dr Harimeshi Jean-Marie, le cancer du col de l'utérus évolue souvent, silencieusement, et se réveille par des saignements vaginaux après un rapport sexuel. Et des douleurs perviennent pendant les rapports sexuels. Il souligne que ces signes peuvent apparaître 10 ans après, entre le moment de l'infection et l'apparition des cellules cancéreuses. Selon les études faites, il s'est montré que l'homme est le porteur sain du virus. Et c'est lors des rapports sexuels que l'homme transmet le virus à son partenaire. Et avec ce virus, on peut développer le cancer du col de l'utérus après une période qui évolue entre 10 et 15 ans. C'est en fonction de l'immunité de la personne. Chez les symptômes du cancer du col de l'utérus, on peut avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Il y a le col qui est déchiqueté, des ulcérations sur le col. Et puis, on peut avoir des douleurs pelviennes. On peut avoir des problèmes urinaires. C'est quand la vessie est atteinte. On peut avoir des pertes malodorantes qui sont liées aux ulcérations du col, le col qui est déchiqueté, et puis après il y a des pertes. Donc le mieux c'est de ne pas s'attendre à avoir des symptômes, le mieux c'est de faire le dépistage précoce. Toutes filles et femmes ayant déjà fait des rapports sexuels peuvent avoir cette maladie, mais il y a une catégorie de femmes les plus touchées par rapport à d'autres, comme l'explique toujours Dr Alimin chez Jean-Marie. Donc, les personnes à risque du cancer du col de l'utérus, j'aimerais dire que toute femme qui a déjà fait un rapport sexuel est susceptible de développer un cancer du col de l'utérus. Mais les personnes les plus touchées, c'est bien évidemment les femmes qui ont des partenaires multiples. Secondairement, les femmes qui ont Il y a un problème immunitaire, donc il y a d'autres maladies désimmunitaires, notamment le VIH-Sida. Et puis, c'est beaucoup plus aussi des femmes qui vivent dans des conditions précaires, des femmes qui sont malnutries. Ces femmes-là, qui ont d'autres maladies désimmunitaires, ces femmes sont les plus touchées. Je dirais que le traitement des cancers du col de l'utérus, c'est un traitement qui est lourd. Et le mieux, c'est de ne pas arriver au stade du cancer, mais plutôt se faire traiter au stade des lésions précancéreuses. Le cancer du col peut être dépisté et traité avant de devenir réellement cancéreux, raison pour laquelle le dépistage précoce est le meilleur moyen de prévention chez les femmes en âge reproductif. Il souligne que le vaccin est l'autre moyen de prévention chez les filles de moins de 15 ans. Et les autres, c'est beaucoup plus une prévention secondaire, parce qu'on appelle le dépistage. On fait un dépistage précoce. Chez les femmes de moins de 30 ans, on fait les frottis cervico-utérins. Après 30 ans, donc les nouvelles recherches de l'OMS recommandent un test HPV. Si la femme a le virus, elle est suivie et quand elle a des lésions précancéreuses, on fait le traitement des lésions précancéreuses. Si la femme n'a pas le virus, voilà, donc elle est tranquille pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on reprend le test. Le test HPV se fait au Burundi, ça se fait à Abuja depuis l'année passée. Et bientôt, au niveau du ministère de la Santé, ça va se faire. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un test qui est recommandé par l'OMS pour les femmes de plus de 30 ans. En résumé, j'aimerais recommander les femmes burundaises de savoir que le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie fréquente chez la femme. Et heureusement que c'est un cancer qu'on peut dépister. Et le dépistage permet d'éliminer à plus de 95% des risques d'avoir ce cancer. Le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes en âge reproductif à travers le monde. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à la technique pour la diffusion. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Au revoir.